dit que ça va chier, oh. Ça va chier, oh. Évidemment tes dents, j'vais les arracher, oh. Les arracher. On se dit bonjour, c'est comment ça cabache. J'ai perdu du temps, donc aujourd'hui ça va chier, oh. Paris c'est bon sur la nuit, Paris c'est bon sur la nuit. Ah ouais mon ami, Paris c'est bon sur la nuit, Paris c'est bon sur la nuit. Paris c'est bon sur la nuit, ah ouais mon ami. Paris c'est bon sur la nuit, les grosses équipes, des cadavres vous trouvez jetés sous le périph'. Joue pas négatif, au test positif, je parle fort que le casse, on sait que tu la sniff. Aston Martin sur les charges, fais du bruit. Attends mon gars, pourquoi tu flippes? Giro, pharma, gueule, y'a les flics. Charlie m'appelle, vers Caroline. Ramène-moi tous mes dinéros, ramène-moi tous mes dinéros. Salope, je veux pas ton numéro. Je perds dans le bloc comme un chirurgien. Paris la nuit, mon pote. Viens parler ma vie, mon pote. J'ai chacun son verre, son gang. Et même sous commission, ça fuck les cops. C'est aujourd'hui que ça va chier, oh. Ça va chier. Évidemment tes dents, j'vais les arracher, oh. Les arracher. On se dit bonjour, c'est comment ça cabache. J'ai perdu du temps, donc aujourd'hui ça va chier, oh. Paris c'est bon sur la nuit, Paris c'est bon sur la nuit. Ah ouais mon ami, Paris c'est bon sur la nuit, Paris c'est bon sur la nuit, Paris c'est bon sur la nuit. Ah ouais mon ami, Paris c'est brosson la nuit, entre les guerres, les crimes et les bagarres qui finissent en coup de slash. Paris c'est brosson la nuit pour celui qui vend de la mort pour claquer l'oseille, faire la mala. Y'a les bourrés de l'autre côté, les filles attendent sur trottoir. J'ai le pouvoir d'avoir la mélodie, donc écoute ce que je fais. Y'a comment il est soin le négro, Tchako, Zali, Kitoko, eh. Toujours été l'icolo, eh. Binôme au cas où y'a plein pro. Mec c'est Paris la nuit, zéro de tape. C'est Paris la nuit, zéro de tape. C'est Paris la nuit, yeah. C'est aujourd'hui que ça va chier, oh. Ça va chier. Évidemment tes dents, j'vais les arracher, oh. Les arracher. On se dit bonjour, c'est comment ça cabache. J'ai perdu du temps, donc aujourd'hui ça va chier, oh. Paris c'est bon sur la nuit, Paris c'est bon sur la nuit. Ah ouais mon ami, Paris c'est bon sur la nuit, Paris c'est bon sur la nuit, Paris c'est bon sur la nuit. Ah ouais mon ami, Paris c'est bon sur la nuit. C'est aujourd'hui que ça va chier, oh. Ça va chier. Évidemment tes dents, j'vais les arracher, oh. Les arracher. On se dit bonjour, c'est comment ça cabache. J'ai perdu du temps, donc aujourd'hui ça va chier, oh. Paris c'est bon sur la nuit, Paris c'est bon sur la nuit. Ah ouais mon ami, Paris c'est bon sur la nuit, Paris c'est bon sur la nuit, Paris c'est bon sur la nuit. Ah ouais mon ami, Paris c'est bon sur la nuit.